décapiter mon couteau. Rock'n'roll suicide. Rock'n'roll suicide. Je veux bien crever dans ta prison. Je veux bien mourir par pendaison. Je veux bien cracher sur les bâtons et oublier ce monde de cons. Rock'n'roll suicide. Rock'n'roll suicide. Je veux bien crever pour l'amour fou. Ne plus me battre avec les loups. Je veux bien crever joue contre joue. Et ne plus vivre dans la boue. Rock'n'roll suicide. Rock'n'roll suicide. Je veux pas crever pour télécom. Prêcher ta merde à la Sorbonne. On aime la vie quand elle est bonne. Ta Marseillaise a l'air d'une conne. Rock'n'roll suicide. Rock'n'roll suicide. Je veux pas crever pour la nation. Pour toi et toute ta bande de cons. Je veux pas crever pour ton pognon. Pour ce salaud d'Éric Besson. Rock'n'roll suicide. Rock'n'roll suicide. Je veux bien crever pour sans papier. Pour tous nos frères les immigrés. Au nom de la fraternité, je dégueule sur ton identité. Rock'n'roll suicide. Rock'n'roll suicide. Je veux bien crever en Palestine. Avec mes frères qu'on assassine. Un monde pourri pour le fascisme. Ils sont flingués, ils s'accrabinent.